Johnny Fudal, star des années 2050. Avant-propos. Star des années 2050 est un récit futuriste qui raconte ce que pourrait être le football dans le futur. Ce livre n'a pas la prétention de prédire l'avenir, mais grossit le trait par rapport aux dérives actuelles du ballon rond, voire du sport en général. À l'époque où beaucoup de personnes parlent de ligues fermées, comme en NBA, Star des années 2050 a passé le cap. Les clubs sont devenus des franchises sponsorisées par les plus grandes entreprises. Afin de respecter la loi, les noms des entreprises ont été légèrement modifiés. Les noms des joueurs ont également été changés, car ce récit avait été publié en été 2014 sur un forum, en remplaçant le nom des joueurs par des membres du forum. Afin de respecter leur intimité, ils ne paraissent pas sur ce récit. Star des années 2050 n'a pas la prétention d'être une énorme œuvre littéraire. D'autres personnes qui ont beaucoup plus de talent que moi traitent des sujets beaucoup plus graves que moi. J'admire leur travail et ne souhaite leur faire de l'ombre. Il ne s'agit ici que d'une réalisation de rêve en mettant en page des flots d'idées sur ma passion, le football. La couverture a été conçue par un talentueux dessinateur et ami, Rico Welsh. Il a réussi à traduire en une image le message principal de ce livre. Ce livre est lu par Sabine pour Audiocité.net sous la licence paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique, avec l'aimable autorisation de l'auteur.